Une vengeance anglaise, roman de Pierre Zakon, lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative commons.org.